franceinter.fr. Rendez-vous avec X, Patrick Pénaud. Comment ont-ils osé? Comment ont-ils pu même imaginer un plan aussi insensé dans sa fausse simplicité? Puisque notre ennemi se cache dans la forêt, eh bien nous allons anéantir cette forêt afin de le rendre visible. Et du même coup, nous le priverons de pouvoir se nourrir en tuant toutes les plantes et tous les animaux qui font son ordinaire, et même en empoisonnant l'eau dont il s'abreuve. C'est en partant de ce principe que les généraux américains ont livré au Vietnam la plus grande guerre chimique de l'histoire et provoqué une catastrophe humaine et écologique sans précédent, dont les terribles effets se font toujours sentir 40 ans après la fin des opérations. Monsieur X ouvre donc le dossier de l'agent orange, comme on a communément appelé ce poison, ce défoliant fabriqué par quelques grandes firmes états-uniennes, dont Monsanto, qui tentent toujours de nier leur responsabilité dans ce désastre. Mais, après tout, n'en a-t-il pas été de même pour les entreprises allemandes qui ont produit le zyklon B, utilisé dans les chambres à gaz de la Seconde Guerre mondiale? Lorsqu'on se penche sur ce dramatique épisode de la guerre du Vietnam, on est tout de suite confondu par le cynisme ou la bêtise des dirigeants politiques et militaires qui ont décidé d'utiliser l'agent orange pour venir à bout des communistes vietnamiens. Oui, mais expliquez alors. Bon, parce qu'en pulvérisant d'invraisemblables quantités de défoliants sur de vastes zones du Vietnam, ben, ils ont aussi empoisonné leurs propres troupes qui combattaient au sol. Et paradoxalement, ce sont des vétérans, des victimes états-uniennes de l'agent orange qui ont révélé la catastrophe au monde entier. Et pas les Vietnamiens. Ah, c'est la vérité. Ouais. Mais ensuite, bon, ceux-ci vont demander quand même des comptes aux Américains. Ah bah, assez tardivement. Enfin, ça, j'y reviendrai. Hein. Aussi, pour commencer, je vous propose cette histoire exemplaire. L'amiral Elmo Zumwalt a été le chef des opérations navales américaines au Vietnam de 1968 à 1970. C'était alors un partisan résolu de l'usage des défoliants pour vaincre le Viet Cong, mais aussi préserver la vie de ses soldats. Il a alors ordonné des épandages massifs d'agents orange, et en particulier dans le delta du Mekong. Mais il a ensuite changé d'avis. Ouais, mais pourquoi alors? Bah, parce que son fils, capitaine d'un patrouilleur qui naviguait sur le delta du Mekong, a été soudain victime d'un cancer lymphatique qui a provoqué rapidement sa mort. Puis ensuite, beaucoup plus tard, son petit-fils est né avec un fort handicap mental. Ouais. Et dans les deux cas, l'agent orange était en cause? Ah ben, c'est ce que l'amiral a subodoré. Revenu aux États-Unis, il a donc effectué des recherches, démontré le lien entre les maladies des vétérans et l'agent orange, et il est devenu l'un des porte-parole de tous ces anciens soldats qui ont été empoisonnés par leur propre armée. Il a même rédigé un rapport qui a fait autorité. Puis il est lui-même mort d'un cancer. Mmh. Avant de voir comment a débuté cette guerre chimique, hein, un mot peut-être sur cet agent orange. Et d'abord, pourquoi cette couleur? Bah, tout simplement parce que le poison était conditionné dans des fûts orange. Mais il y a eu d'autres produits similaires qu'on a appelés agents pourpre, rose, bleu, etc. Ouais, l'arc-en-ciel. Et au fond, peu importe. Hein. Ce qui compte, c'est que l'agent orange a été le défoliant le plus utilisé et, si j'ose dire, le plus efficace. Encore que, vers la fin, on a produit un agent super orange. Ouais, encore plus destructeur. Donc. Alors, l'agent orange, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est un défoliant, dont l'un des principes actifs est la dioxine. Ça, c'est ce poison qui s'est répandu autour de l'usine italienne de Seveso, hein, à l'occasion d'un accident industriel. Et un poison qui a contaminé presque 2000 hectares et un peu moins de 40 000 personnes, victimes de divers maux et surtout de maladies de peau. En tout cas, les dégâts ont été considérables. Et on a dû, par exemple, abattre tout le cheptel de la zone. Or, et notez bien ce chiffre, on a estimé qu'à Seveso, le dégagement de dioxine était compris entre 1 et 5 kilos. Au Vietnam, ce sont des dizaines de millions de litres d'agents orange qui ont été pulvérisés. Mais ce n'était pas de la dioxine pure. Non, certes, elle était diluée dans ces défoliants, mais ça vous donne quand même une idée des quantités utilisées. Les spécialistes considèrent que plus de 400 kilos de dioxine pure ont été fabriqués. Et puisque nous en sommes aux données chiffrées, les savants ont établi que seuls 80 grammes de dioxine versés dans des réservoirs d'eau potable pourraient éliminer la population d'une ville de 8 millions d'habitants. Ouais. Et d'où vient ce violent poison, hein ? Bon, si je me réfère à la définition donnée par les chimistes, c'est une substance toxique produite lors du processus de fabrication de certains composés chimiques chlorés ou lors de leur combustion à haute température. Et dans cette famille qui comporte des dizaines de substances, la plus dangereuse est connue sous l'acronyme TCDD, dont je renonce à vous donner l'appellation scientifique. Ce composé chimique est particulièrement stable. Il résiste aux hautes températures, et s'il est peu soluble dans l'eau, il l'est par contre dans les graisses. Une redoutable propriété. Pourquoi redoutable alors ? Ah ben parce que ce fait, la dioxine peut s'accumuler durablement dans les tissus des organes humains et animaux. Alors, l'origine de son utilisation ? C'est un produit dérivé de la fabrication des herbicides. Bon, je ne vais pas vous asséner un cours de chimie, ce que je serais d'ailleurs bien incapable de faire, mais vous devez savoir que c'est au cours de la Seconde Guerre mondiale que des chercheurs américains et britanniques mettent au point des désherbants. Des herbicides qui, correctement dosés, détruisent les mauvaises herbes et laissent intactes les céréales. Et plus fortement dosés, ces produits tuent à peu près tout. C'est ça. L'apparition de ces herbicides constitue une vraie révolution pour le monde agricole en permettant de supprimer les mauvaises herbes dans les cultures. À tel point qu'on a même pu parler de révolution verte. Mais à l'époque, ce qu'on ne sait pas et ce que les principales firmes qui les fabriquent se gardent bien de dire, c'est que ces herbicides, apparemment inoffensifs, contiennent un peu de dioxine. Bon, parenthèse, avant ces vaisseaux, personne ne parle de la dioxine. Ouais, mais elle existe bel et bien. Et si elle ne s'accumule pas dans les végétaux, elle pénètre en revanche dans les sols, à 2 ou 3 mètres de profondeur, où sa demi-vie, c'est-à-dire le temps nécessaire pour que la moitié disparaisse, peut aller jusqu'à 100 ans. Et bien sûr, avec les pluies, elle rejoint ensuite les nappes phréatiques, les lacs, les rivières, où elle contamine toute la chaîne alimentaire. Dans le corps humain, par exemple, sa demi-vie est alors en moyenne de 7 ans et ne peut être excrétée que par l'amaigrissement ou par le lait maternel. Le lait alors qui contamine le bébé. Naturellement. Ouais. Autre information importante. Très vite, les militaires se sont intéressés à ces recherches sur les herbicides. Et dans quel but alors ? Pendant la Seconde Guerre mondiale, les laboratoires des différentes armées expérimentent plusieurs produits chimiques capables de tuer les cultures. L'idée, c'est de les utiliser comme armes de guerre pour affamer les Japonais, par exemple. Mais ce ne sera pas le cas. Non, on leur préférera l'arme atomique, mais passons. Après la guerre, les militaires continuent leurs travaux. Alors maintenant, c'est le contexte de la guerre froide. Entre autres, oui. Et des expérimentations ont lieu aux États-Unis ou ailleurs. À Fort Detrick, dans le Maryland, où sont concentrées toutes les recherches sur les armes chimiques, mais aussi aux Philippines et à Porto Rico, dans une île d'où ont été chassés la plupart des habitants. Ouais. Alors ce sont des expérimentations grandeur nature, donc. Et à l'air libre. Résultat, aujourd'hui, sur cette île, il n'est plus possible de cultiver ni de pêcher, et le taux des cancers a augmenté de façon très notable. Autre test. Dans les années 60, des détenus d'une prison de Philadelphie ont été mis en contact avec de la dioxine afin de juger des effets cancérigènes du produit. Mais c'est donc qu'on soupçonnait déjà la dioxine d'être très dangereuse. Et la conclusion ? Ces prisonniers ont effectivement développé des lésions. Toutes ces recherches-là ont été effectuées en collaboration avec les grandes firmes chimiques. Bien sûr. Dow Chemical, Monsanto et la crème des grands de la chimie américaine. Ouais. Cette même Monsanto là, qui essaie à tout prix de nous vendre ses semences OGM. Oui, sans vraiment se soucier des conséquences éventuelles sur la santé humaine, malgré ses grands discours. Monsanto, qui va donc être aussi l'un des premiers producteurs de l'agent orange. Et qui est donc co-responsable de l'empoisonnement de vastes zones vietnamiennes. Ah, mais pas seulement. Au Laos, au Cambodge aussi, l'agent orange a été utilisé. Alors, comment ça a commencé et quand ? Très tôt, en novembre 1961. Et le premier président états-unien qui a autorisé l'utilisation de l'arme chimique au Vietnam est donc John Fitzgerald Kennedy. Le monde selon Monsanto. Tel est le titre d'un gros livre-enquête de Marie-Monique Romain sur le géant de la chimie. La journaliste s'est bien sûr intéressée à la création des nouveaux herbicides qui sont à l'origine de l'agent orange. Extrait. Ces herbicides révolutionnaires ont été inventés simultanément par des laboratoires britanniques et américains. Aussitôt, les chercheurs se rendent compte du potentiel qu'ils représentent en temps de guerre, car ils permettent de détruire les cultures et donc d'affamer les armées et les populations ennemies. Dès 1943, le Conseil pour la recherche agricole du Royaume-Uni lance un programme secret d'essais qui servira dans les années 50 en Malaisie, où, pour la première fois de l'histoire, l'armée britannique utilisera des herbicides pour détruire les récoltes des insurgés communistes. Si officiellement, c'est fin novembre 1961 que JFK a donné son feu vert à l'épandage d'agents chimiques au-dessus de la forêt primitive vietnamienne, il faut reconnaître que dès 1959, Ike Eisenhower étant encore président, des essais ont eu lieu au Vietnam. Ah, ça veut dire que les militaires américains y pensaient depuis longtemps. Oui, leur obsession, c'était ces combattants communistes qui pouvaient progresser impunément sous le couvert de la forêt. Ces premiers essais ont été relativement concluants. Il était possible de détruire de vastes zones forestières en procédant à des épandages aériens, même si les produits utilisés n'étaient pas aussi performants que l'agent orange qui sera mis au point au milieu des années 60. Et la technique elle-même ? Les pilotes américains l'avaient déjà expérimenté après la Seconde Guerre mondiale en déversant du DDT sur des marais italiens ou français infestés par la malaria. Un autre essai a été effectué un peu plus tard avec un hélicoptère en août 61. Et toujours au sud Vietnam ? Oui. C'est donc Kennedy alors qui va prendre l'initiative de commencer cette guerre chimique. Oui, sans peut-être savoir quels en seront les effets désastreux. Un apprenti sorcier. Pourquoi pas ? Mais vous devez savoir que les grandes firmes chimiques présentaient leurs produits mortels comme d'honnêtes défoliants, communément utilisés par les agriculteurs. La preuve, c'est que la manipulation de ces poisons par les militaires sur le terrain se fera sans grande précaution. Ouais, parce qu'ils n'avaient pas, eux, conscience de leur dangerosité. Exactement. Et ils le paieront très cher, eux et leur descendance. Certains se sont même servis des récipients usagés pour faire leur toilette ou leur cuisine. Enfin, n'allons pas trop vite. Ouais. Lorsque Kennedy là, donne son feu vert, l'engagement américain au Vietnam est encore très limité. Hein. C'est juste. Les militaires états-uniens présents sur place se contentent d'apporter un soutien logistique à l'armée sud-vietnamienne. Ouais, qui essaie de résister à la poussée des maquisards du Viet Cong. Qui sont eux-mêmes puissamment aidés par les troupes communistes du Nord-Vietnam. Ouais. Alors l'utilisation des défoliants, ben, pourquoi faire ? L'objectif est triple. Il faut anéantir les forêts, abri naturel des combattants Viet Cong, et obtenir par là même une meilleure visibilité du terrain vu du ciel. Et enfin, même si on en parlera beaucoup moins, il s'agit aussi de détruire les récoltes et donc les moyens de subsistance des populations comme de la guérilla. J'ajoute que dans l'esprit des dirigeants de Washington, il y a sans doute aussi l'espoir que cette guerre chimique permettra de limiter l'intervention sur place des militaires américains, ou en tout cas de ne pas la croître. Ouais, mais là, il n'en sera rien. Hein. Et bien au contraire. Le contingent américain ne cessera de grossir au fil des ans. Toutefois, je dois dire que la décision d'avoir recours à l'arme chimique a fait l'objet d'un vif débat au sein même du gouvernement. Du gouvernement américain, mais pour quelle raison ? Les plus lucides, surtout du côté du département d'État, craignent les réactions internationales et surtout que la propagande communiste s'empare de cette affaire et n'en profite pour dresser la population vietnamienne contre les États-Unis. D'autant qu'en Corée, on avait aussi parlé de guerre chimique. Et finalement, c'est le président qui tranche. Et qui permet donc le lancement de l'opération qui portera curieusement plusieurs noms de code. D'abord, on parle de Trail Dust, traînée de poussière. Puis on la baptise Hadès, le dieu grec des enfers. Et enfin, de façon plus triviale, on la désigne sous le nom de Ranch Hand, qu'on peut traduire par ouvrier agricole. Ouais, drôle d'ouvrier agricole, hein. En effet, la mission de celui-ci n'est pas de cultiver, mais de tuer. Et les militaires américains font cela de façon très méthodique, presque scientifique. Tout a été calculé, la dose nécessaire de poison par hectare et la meilleure manière de procéder à un épandage efficace. Les appareils évoluaient en formation de 3 à 7 en dents de peigne. Ils pouvaient ainsi couvrir en 4 minutes une largeur maximum d'un demi-kilomètre et une longueur de 16 kilomètres à chaque passage. Puis ils atterrissaient pour remplir à nouveau leur cuve. Ouais. J'imagine qu'ils devaient voler à basse altitude. Et lentement. Les vols étaient alors assez dangereux. Détail intéressant. Ces avions cargo arboraient, au moins au début, la cocarde de l'armée sud-vietnamienne. Camouflage. Ouais. Les Américains ne tenaient pas à apparaître. J'ajoute que pour les petites surfaces, ce sont des hélicoptères qui ont été utilisés. Quant à la défoliation des bordures de rivière, elle a été effectuée à partir de bateaux équipés de lances d'incendie manœuvrés directement par les marins. Ouais. Et les produits déversés alors ? Ils ont été de diverses natures. Au début, il s'agit d'herbicides relativement classiques. Utilisés donc dans l'agriculture. Oui, mais enfin plus fortement dosés. Des produits qui contiennent plus ou moins de dioxines. Mais les experts les jugent trop volatiles. Aussi, à partir de 1964, on épand un nouveau poison à base d'arsenic. Il est très efficace pour détruire les cultures vivrières, c'est-à-dire les bananeraies, les rizières, les cultures de manioc et de patates douces. Et l'agent orange, lui ? Il apparaît en 1965, et dès lors, il l'emportera sur toutes les autres substances chimiques, car il s'attaque à tous les végétaux. Il est donc utilisé pour réaliser une déforestation totale. Sur les hauts plateaux de l'intérieur ou les forêts semi-inondées du delta du Mékong. Oui, les mangroves. Oui. À partir de 1968-1969, on se servira d'un défoliant encore plus redoutable, l'agent orange 2 ou super orange. Toujours à base de dioxine. Naturellement. Et en même temps, la guerre n'a cessé de prendre de l'ampleur. Après Kennedy, son successeur, Johnson, a considérablement augmenté le contingent américain. Oui, il a décidé aussi de bombarder le Nord-Vietnam. Oui, à la suite d'un incident dans le golfe du Tonkin qui a sans doute été monté de toutes pièces. Oui, c'était des tirs qui auraient été effectués par une canonnière nord-vietnamienne sur des destroyers américains. Oui, un prétexte parce qu'il y a longtemps que Washington voulait s'en prendre directement à Hanoï. Oui, qui soutenait et armait les communistes du Sud. Mais grâce à la fameuse piste Ho Chi Minh, dont l'existence va devenir une véritable obsession pour les généraux américains. Bon, mais ça, j'y viens dans un instant. En attendant, et vous n'avez certainement pas oublié, le Nord-Vietnam subit une campagne de bombardement comme on n'en a plus vu depuis la Seconde Guerre mondiale. Tous les jours, les B-52 lui déversent 4000 bombes. Mais sans pouvoir ralentir vraiment le soutien militaire du Nord au Viet Cong. C'est pourquoi les Américains vont faire porter tous leurs efforts sur la piste Ho Chi Minh, qui est donc une artère vitale pour les combattants communistes du Sud. Un rappel quand même. Cette piste, sur laquelle se déplace en permanence une noria de véhicules et plus souvent de bicyclettes surchargées, commence dans la partie méridionale du Nord-Vietnam. Elle longe la chaîne Truong Son, entre au Laos avant de déboucher au Sud-Vietnam. En fait, ce n'est pas une piste rectiligne, mais plutôt un lacis de milliers de kilomètres de chemins et de sentes étroites qui sillonnent la montagne sous la forêt primitive. Certains de ces sentiers ne sont d'ailleurs que des leurres, visant à tromper les bombardiers ennemis. C'est une œuvre, n'ayons pas peur des mots, pharaonique. Oui, et une œuvre sans cesse recommencée parce qu'il faut la restaurer en permanence. Ouais, après les bombardements. Oui, ouais. 300 000 civils et militaires, dont 150 000 jeunes femmes, y travaillent sous les bombes. Le napalm et l'enfer des agents chimiques. Ouais. Parce que les Américains essaient de rendre la piste plus visible en y épandant ce fameux agent orange. Oui, mais ça a une conséquence particulièrement embarrassante. Le sud-est du Laos, où passe la piste Ho Chi Minh, est à son tour arrosé par le poison. Suivra ensuite le Cambodge, où les Viet Cong ont établi des bases près de la frontière. La guerre chimique ne cesse de s'étendre. Rendez-vous avec X, Patrick Pénaud. L'épandage a été conçu de manière scientifique, a dit Monsieur X. Illustration avec cet extrait d'un ouvrage d'André Bouny, Apocalypse Vietnam, agent orange. Le débit de l'agent chimique était modulé en fonction de la vitesse de l'avion de façon à respecter la dose de poison prescrite par hectare, 28 litres, contenant 21 kg de substances actives, dose 30 à 40 fois supérieure à toute autre utilisation civile. Une pression élevée était appliquée sur l'agent chimique à l'aide d'un moteur-pompe refroidi par air. Une valve électrique de débit ouvrait la distribution du produit chimique pulsé par la pression vers les rampes d'acier comprenant 12 ou 18 buses, de manière à ce que la traînée de poison pulvérisé couvre une largeur de 80 mètres. Et l'auteur d'ajouter ce détail qui fait froid dans le dos. Pour des raisons de vibration, de pression et d'étanchéité, il arrivait parfois, à l'instar du diable se brûlant à son fourneau, que les hommes d'équipage rentrent de mission ruisselant de produits chimiques. La piste aux chimines, si elle a été un objectif prioritaire pour les pulvérisations d'agents orange, n'a pas été le seul. Des aspersions à haute dose ont été aussi effectuées. À Couchy, à 65 km au nord-ouest de Saïgon. Là, le Viet Cong avait édifié sous terre son QG, un vrai labyrinthe qui s'étendait de l'aéroport de Saïgon jusqu'à la frontière du Cambodge, dans la région où prenait fin la piste aux chimines. Au total, 250 km de galeries. Tout autour, la jungle a donc été abondamment arrosée d'agents orange, et quand ça ne suffisait pas, les tunnels éventrés ont fait l'objet de gazage. Quand ont cessé les épandages d'agents orange ? Officiellement, en 1970. Mais il est probable que d'autres missions aient eu lieu clandestinement, en particulier au Cambodge, pour découvrir des bases des Khmers rouges. Et pourquoi Nixon ? Parce que c'est maintenant lui qui occupe la Maison Blanche. A-t-il pris cette décision d'arrêter ? Même si la grande presse n'en parlait pas, le scandale des épandages chimiques couvait. En décembre 1969, par exemple, l'Assemblée générale de l'ONU adopte à une large majorité une résolution déclarant, contraire aux règles du droit international, l'utilisation de tout agent chimique de guerre en raison de ses effets toxiques directs sur l'homme, les animaux ou les plantes. Ouais, ça, c'est une résolution qui vise clairement les États-Unis. Et pourtant, Washington n'a pas obtempéré tout de suite. Mais les Américains ont pris des précautions. Les barils d'agents orange n'ont plus été marqués et les avions épandeurs ont volé à nouveau sous les couleurs de l'aviation sud-vietnamienne. Oui, ça signifie donc que les États-Unis étaient parfaitement conscients de l'illégalité de leur action. Et finalement, Nixon mettra fin à ces opérations d'épandage. Mais il faut dire que de plus en plus de scientifiques américains dénonçaient les effets cancérigènes et tératogènes de l'agent orange. C'est-à-dire qu'il provoquait chez les femmes enceintes des malformations de l'embryon lors de son développement in utero. Mais vous l'avez dit, ce sont les vétérans américains qui vont dévoiler le scandale. Et pas seulement des Américains. Il y a aussi d'anciens militaires néo-zélandais, australiens, canadiens, sud-coréens. Et pas de vietnamiens. Ils y viendront, mais très tardivement. Pourtant, ce sont eux qui ont été les premières victimes. Et les plus nombreuses. Mais peut-être qu'on les considérait alors comme des victimes de second ordre. En outre, il faut bien dire que les familles vietnamiennes qui ont été exposées à l'agent orange et dont les enfants sont nés infirmes ou anormaux ont souvent longtemps gardé le silence parce qu'elles avaient honte. Mais depuis, ça a changé. Des organisations vietnamiennes, avec le soutien de leur gouvernement, ont introduit assez récemment des actions en justice aux États-Unis. Sans grand succès, toutefois. Enfin, on verra ça tout à l'heure. Et l'action des vétérans, a-t-elle produit des effets ? En 1979, sous la pression des anciens combattants, l'US Air Force accepte de lancer une étude sur la dioxine. Puis en 1983, lors d'un congrès qui se tient à Ho Chi Minhville, des experts mettent en évidence la catastrophe écologique provoquée par l'agent orange. Ouais, la catastrophe écologique, mais les populations alors ? On n'en parle pas encore. En 1984, un peu moins de 40 000 vétérans états-uniens reçoivent 180 millions de dollars versés par les 7 entreprises chimiques impliquées dans la fabrication de l'agent orange. Des indemnités versées afin que ces vétérans ne portent pas plainte devant les tribunaux. Ouais, il faut éviter la mauvaise publicité. Ouais, c'est ça. En 1991, une loi votée à l'instigation du sénateur démocrate John Kerry, qui a lui-même combattu au Vietnam, alloue une pension à 10 000 vétérans exposés à l'agent orange et qui souffrent de diverses maladies. Puis en 1995, les États-Unis et le Vietnam rétablissent des relations diplomatiques. Et ça change quelque chose sur le dossier de l'agent orange ? Eh non, non. Pour l'instant, le Vietnam n'entend pas collaborer aux études commandées par le Congrès états-unien sous la pression des vétérans. En 1996, on publie une étude de l'Institut américain de médecine de l'Académie des sciences. Une vraie bombe. L'agent orange est reconnu responsable de l'apparition de 15 maladies et de 17 anomalies congénitales chez les enfants de vétérans. Bill Clinton admet donc que ses anciens combattants et leurs enfants ont droit à des dédommagements. En même temps, pour la première fois, le gouvernement vietnamien ordonne une enquête nationale sur les effets de la guerre chimique. Et les Vietnamiens commencent à bouger. Et ils y sont certainement encouragés par les études qui se multiplient aux États-Unis. En recoupant les archives, les carnets de bord des pilotes, il est établi que plus de 3000 villages ont été arrosés. Ça veut dire qu'entre 2 et 5 millions de personnes ont été directement contaminées. Mais il faut aussi tenir compte des habitants qui ont consommé des aliments issus de cultures infectées. Et ça concerne tout le sud du pays. Mais les Vietnamiens, avez-vous dit, saisissent aussi la justice. La justice américaine, oui. En 2004, ils introduisent un recours collectif à l'encontre des industries chimiques devant la Cour de New York. Une action en justice sans précédent. Derrière les plaignants, regroupés en association, il y a 4 millions de victimes. Et les implications sociales, environnementales, économiques et financières sont innombrables. Résultat ? L'administration Bush Jr. fait des pieds et des mains pour que le juge rejette la plainte avec l'argument suivant. Une condamnation ouvrirait la voie au dépôt de plainte d'anciens ennemis des États-Unis auprès du système judiciaire américain. C'est complètement hypocrite, ça. Et le juge accepte. Oui, la plainte est jugée non recevable, tout comme l'appel qui suivra. Pourtant, d'autres pays qui ont envoyé des soldats au Vietnam obtiennent des résultats. Un seul exemple, la justice sud-coréenne condamne Dow Chemical et Monsanto en juillet 2006 à verser des dommages et intérêts aux 20 000 vétérans coréens qui ont porté plainte. En tout cas, les Vietnamiens, si longtemps restés silencieux, font maintenant beaucoup de bruit autour de cet énorme scandale. Songez qu'en 2005, 200 000 enfants sont nés au Vietnam avec des malformations attribuées à la dioxine. Leur exigence de justice n'est donc pas prête de s'éteindre. Et heureusement, le président Obama ne montre pas la même intransigeance que son prédécesseur. Les États-Unis ont déjà accordé une somme de 32 millions de dollars pour financer le projet de décontamination de l'aéroport de Da Nang, la base à partir de laquelle était lancée l'émission de défoliation durant le conflit. Ouais, un des sites les plus contaminés du Vietnam. Hein. Oui, mais il y en a 28 autres semblables. Donc les Vietnamiens continueront jusqu'au moment où enfin la responsabilité juridique et publique des États-Unis à l'égard de leur pays et de ses habitants sera reconnue. Et si ça arrive un jour, cela peut coûter très cher à Monsanto et autres empoisonneurs à la dioxine. Je vous rappelle les deux livres cités. D'abord, Le Monde selon Monsanto de Marie-Monique Robin. Monsanto qui vient d'être condamné en France récemment. Et Apocalypse, Vietnam, agent orange d'André Bouny. Un ouvrage exhaustif qui comporte aussi de nombreuses photos d'enfants vietnamiens dont les parents ou grands-parents ont été victimes de l'agent orange. Âme sensible, s'abstenir, ces photos sont insoutenables. Et puis, à l'heure où les massacres continuent en Syrie, un livre s'impose, un beau roman de Dominique Hédé, Kamalian, qui à sa façon décrypte les clés d'une région où mensonges et manipulations sont le quotidien. Sur franceinter.com, vous pourrez réécouter cette émission. À samedi prochain, Rebecca de Nantes a préparé ce programme qui a été réalisé par Michel Biou et mis en musique par Monsieur Djouba. Et tout de suite, après le flash, on part dans la nature, c'est au de mon amour de Denis Chessou.